Bonsoir fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine et merci de nous retrouver une fois de plus si nombreux sur nos antennes. Nous sommes donc en direct du Burundi à Bujumbura, à l'intérieur du palais présidentiel de Kiriri, dans le cadre du 11e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. On parle bien sûr des sécurités en Afrique de l'Est et en République démocratique du Congo. Nous sommes également à Bujumbura avec l'ambassadeur François Bikoro, que vous connaissez d'ailleurs. Bonsoir ambassadeur. Bonsoir Wapo, bonsoir surtout à vos nombreux téléspectateurs qui depuis pratiquement 15 ans aujourd'hui vivent en direct tous les événements qui ont lieu en Afrique. Parce que comme vous le savez, le promoteur d'Afrique Média s'était juré, je crois que c'est même un challenge, que nous n'allons plus laisser la communauté dite internationale mais qui est concentrée entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, parler de l'Afrique aux Africains, parler de l'Afrique aux amis de l'Afrique. Nous avons donc décidé que partout où les événements se passent, nous serons toujours sur le site pour le faire vivre en direct et éviter surtout des commentaires, des analyses qui ne respectent pas les visions des pères fondateurs de cette Afrique pour laquelle nous nous battons depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. Eh bien, ambassadeur François Bikoro, je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur du palais présidentiel de Kiriri, on a vu les gens s'atteler, mettre les petits plats dans les grands pour que les choses se passent dans le bon sens. Est-ce qu'on peut dire, au vu de ce qu'on a observé depuis tout à l'heure, que ceux qui étaient sceptiques en ce qui concerne les capacités du Burundi à organiser un événement tel que celui-ci seront déçus? Et on peut les comprendre. Vous savez que le Burundi sort de loin. Le Burundi, c'est donc ce pays de Pierre Nkurunziza, qui a eu à mal à partir avec la communauté dite internationale, parce que justement la région des Grands Lacs, nous en parlerons tout à l'heure, fait face à une crise multidimensionnelle qui est d'abord historique, elle est anthropologique, elle est même sociologique. Et vous savez que Pierre Nkurunziza, en son temps, avait vainement voulu expliquer à la communauté internationale que de façon anthropologique, en tout cas en ce qui concerne la constitution sociologique de son pays et celle du Rwanda, qu'il était impossible que l'on vienne installer une démocratie type à l'occidental. Vous savez que deux grandes nations africaines font partie de cet espace, à savoir les Hutus et les Tutsis. Effectivement. Et je ne voudrais pas revenir ici par ce phénomène douloureux qui a vu l'avion de deux chefs d'État de ces deux régions être bombardé par ceux dont aujourd'hui on n'arrive pas à donner un visage, mais dont on sait qu'ils sont de la communauté internationale. C'est donc ce jour-là, Pierre Nkurunziza avait donc décidé en son temps, bien après qu'il y ait eu ce grand génocide, dont je ne voudrais pas revenir ici pour votre spectateur, il avait estimé que, au moins pour la gouvernance de ces deux pays de la sous-région, il n'est pas de bon ton qu'au Burundi comme au Rwanda, que l'on retrouve les prémices de ce qui a mené au génocide. Ça n'a pas été compris, au point qu'on lui a imposé pendant près de 7 ans un embargo qui n'avait pas de raison d'être. Mais ils s'en sont sortis parce que ce sont des gens qui croient à leur pays, ce sont des peuples qui ont décidé qu'ils peuvent faire leur pays sans avoir besoin de l'aide de la communauté internationale. 7 ans après, nous nous sommes rendus à l'évidence petit à petit que le Burundi renaît de ses cendres. Et après le Burundi de Pierre Nkurunziza, nous voici donc aujourd'hui au Burundi de Ndayishimiye. Ndayishimiye a estimé qu'après 7 ans, après cette résilience extraordinaire dont a fait montre le peuple burundais, qu'il s'agit de renouer avec la communauté dite des nations pour montrer qu'on ne peut pas vivre sans les autres, mais à condition que les autres ne veulent pas vivre sans vous en vous exploitant. C'est donc un challenge assez fort que cette confiance est renouvelée de l'ensemble des 13 pays qui constituent la région des Grands Lacs, d'estimer qu'avec toutes les crises auxquelles on fait face aujourd'hui, qu'il faut pour le 11e anniversaire qu'on aille dans un pays où il fait bon vivre. Un pays qui a pu démontrer la face du monde que les Africains sont capables de se construire eux-mêmes. La preuve que ce que nous avons vu depuis que nous sommes arrivés ici, c'est un peuple qui essaie de vouloir accueillir l'ensemble des leaderships de 13 nations sans avoir besoin d'aller convoquer l'expertise internationale. Vous voyez donc des jeunes enfants, des jeunes ingénieurs dont la moyenne d'âge est pratiquement de 24 ans. Cette ingéniosité est africaine. Tous burundais. Tous burundais. Elle est africaine. Et c'est pour cela que je suis d'accord avec vous que le Burundi veut démontrer qu'effectivement, elle est prête à accueillir l'ensemble de ses frères pour régler les problèmes qui ont été créés de façon historique. Parce que ce que vit la région des Grands Lacs, vous conviendrez avec moi que c'est une région immensément riche. Dieu a pourvu dans cette région ce qu'on n'a jamais pourvu. Effectivement. Dans notre région. C'est d'ailleurs le cas de l'Afrique en général. Ce qui crée toutes les convoitises, dont vous savez. Et ils ont donc décidé de mettre un mécanisme en place depuis près de 10 ans aujourd'hui pour régler à l'interne l'ensemble des problèmes qui peuvent survenir. Malheureusement, on constate toujours qu'il y a comme une connivence entre ceux qui ne veulent pas que l'Afrique évolue et certains de ses frères africains. Heureusement que ce mécanisme concerne les Nations Unies, l'Union africaine, la communauté est-africaine qu'on appelle la SADC, et ils ont créé comme un mouvement international qui concerne uniquement les Grands Lacs. Donc samedi le 6, je crois que l'ensemble de ces gens-là ne viennent pas ici uniquement pour parler de questions de paix et de sécurité, mais pour rappeler l'ensemble du monde entier que le leadership burundais est un leadership qui vaut. La voie qui a été prise par le peuple burundais il y a cela 10 ans est une voie qui doit irradier l'ensemble des États africains pour comprendre que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique australe, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que chaque fois qu'il y a une situation qui se pose, il faut d'abord convoquer les enfants de ce pays, les forces de ce pays, les opportunités qui sauvent, et surtout être en phase avec les populations. Eh bien, merci d'avoir mentionné les Nations Unies, ambassadeur François Bikoro. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est d'ailleurs annoncé ici à Bujumbura samedi pour ce grand sommet-là. On a également, on ne va pas trahir un secret, au sortir de cet accord, le président et son excellence Évariste Ndayishimiye occupera la présidence de ce mécanisme-là. Pour revenir un peu sur les problèmes que rencontrent les Grands Lacs au jour d'aujourd'hui, on parle d'un foyer de tension qui est connu de tous, celui de la République démocratique du Congo, voisin du Rwanda. Le président de la République démocratique du Congo a d'ailleurs ouvertement indexé son voisin rwandais. Est-ce que, au sortir de ce 11e sommet, on peut dire qu'on aura en quelque sorte des mécanismes, des moyens pour essayer d'apaiser la situation de ce côté-là? Êtes-vous optimiste? Je suis optimiste. Dans ce sens que la solution qui va être apportée est une solution africaine. Les Africains savent comment ils règlent le problème. Malgré la haute tension qui a cru devoir être perçue parce qu'il y avait des intrusions de la communauté internationale, vous savez que lors de la visite du président Emmanuel Macron en RDC, qui fait suite à une autre visite, celle de François Hollande, qui avait pratiquement insulté le président Kabila dans son propre pays. Effectivement. Comme si il ne voulait pas reconnaître la responsabilité de la communauté internationale. Il faut bien préciser ce que les Nations Unies avaient été mises en place après la guerre de 1939-1945 pour éviter qu'un pays du monde puisse encore connaître à tout le moins des crises entre ses différents constituants. Et on ne peut donc pas comprendre que chaque fois que ce genre de problème se pose en Afrique, on ne voit pas cette solidarité internationale se mouvoir comme un seul homme, soit pour endiguer, soit alors pour retarder le plus possible le cause qui peut se mettre en place dans un pays africain. Et vous savez que le mouvement M23 a été taxé comme un mouvement qui est financé par le Rwanda. Et les États de la sous-région ont donc estimé qu'il faille partir de la grande communauté des Grands Lacs qui avait fait l'objet de la création de ce mouvement pour se concentrer essentiellement sur la RDC. Bien sûr, avec une exclusion sur la région. Et pourquoi la RDC? Parce que historiquement, sociologiquement et anthropologiquement, la RDC est un vivier d'opportunités pour le monde entier. Il n'y a pas un pays développé qui peut vous dire aujourd'hui que son développement et sa modernité ne viennent pas de la RDC. J'allais dire de l'Afrique en général. Et ils se sont donc dit, après avoir essayé toutes les solutions, en laissant uniquement les Nations Unies faire le travail, vous savez que les Nations Unies et la MINUSCO et en RDC depuis pratiquement 20 ans. Effectivement. Plus de 20 ans aujourd'hui. On ne peut donc pas comprendre qu'il n'y ait pas une solution idoine qui soit mise en place. Ils se sont donc dit que peut-être en s'associant, en proposant une solution africaine au système des Nations Unies, c'est une autre solution qui peut avoir un impact plus pertinent que de laisser, comme on le faisait à l'époque, la communauté internationale le faire seul. Cela devient d'un constat qu'on a fait, vous savez, après la Covid, où on avait présenté l'Afrique comme étant ce pays où les gens vont mourir en grappe. Tout le monde a constaté que la solution africaine a plutôt aidé la solution internationale. Vous voyez aujourd'hui toutes ces grandes sociétés pharmaceutiques qui nous avaient dit qu'il faut qu'on s'endette, qu'on donne toutes nos ressources pour sortir de la Covid, sont aujourd'hui en train de reconnaître que c'était un énorme mensonge. Vous voyez la région ouest-africaine avec le problème de Daesh et de l'armée. Vous avez vu qu'un certain nombre de pays sont en train de se désolidariser du système des Nations Unies. C'est ce que nous n'encourageons pas parce que le système des Nations Unies est créé pour tous les nations. Mais il faut quand même qu'on démontre chaque fois que l'imposture et l'hypocrisie de cette communauté internationale dénature l'objet et l'objectif même des Nations Unies tel qu'elle a été créée par les pères fondateurs à Tara en son temps. Ce qui va donc se passer ici, c'est un bilan à mi-parcours, mais essentiellement concentré sur la RDC qui est le vivier. Si la RDC est le vivier du monde occidental, il est évident qu'il faut qu'on se barque, que la RDC devienne le vivier de l'Afrique en particulier. Ce qu'on va donc faire ici, c'est la mise en commun des tentatives de solutionnement de la crise qui survit en RDC depuis près de 30 ans aujourd'hui que M. Mobutu est tombé. Ce qui va se passer, c'est qu'autour de la table, ce sont les Africains qui vont dire au système, au mécanisme des Nations Unies résolution de la crise et de la paix et de la sécurité, voilà ce qui est bon pour l'Afrique. Nous ne voulons plus de solutions importées. On l'a vu avec le choléra, on l'a vu avec l'Ebola, on l'a vu avec le paludisme, on le vit encore avec le paludisme, on l'a vu avec le sida. On l'a vu avec la Covid également. Les gens nous apportent des solutions qui ne s'adaptent pas aux réalités du terroir. C'est donc une bonne chose aujourd'hui que les Africains aient décidé que nous-mêmes nous proposons au système des Nations Unies ce qui est bon pour les Africains. Ça doit se réaliser au niveau de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale n'est pas encore trop impactée parce que justement c'est une solution qui avait déjà été expérimentée là-bas avec le Nigeria, le Cameroun et le Tchad, ils disent de Bino. Je crois que les Africains commencent à comprendre. Maintenant il s'agit pour les peuples africains de comprendre qu'il n'y a aucun pays au monde, aucune société au monde qui ne peut se développer avec les solutions importées par ceux qui sont à l'origine de leurs problèmes. Nous ne sommes pas contre le système des Nations Unies. Nous avons estimé, c'est d'ailleurs le syllogisme d'Afrique Média. Effectivement. Nous avons remarqué que quand on parle de l'Afrique, étant en Europe, c'est comme si les gens ne sont pas venus en Afrique. Nous avons donc décidé de les aider à voir l'Afrique autrement, parce que pour aider quelqu'un, il faut quand même aller lui demander ce qui est bon pour lui. Effectivement. Je crois que c'est ce qui va se faire. C'est surtout bon pour le Burundi, parce que le Burundi a pu mettre à la face du monde un système de résilience exceptionnel. Ici, on construit les routes avec la main, on construit les immeubles avec la main, on va à l'école en parlant sa propre langue. Et la chance de la région des Grands Lacs, c'est qu'elle partage en commun au niveau de ses constituants la langue, la sociologie, la culture, l'économie et même les cultes. C'est déjà une avancée, c'est déjà un avantage, une manière de mieux se comprendre. Je crois que samedi, quand on sortira d'ici, on va tirer un coup de chapeau au Burundi, on va tirer un coup de chapeau et on espère que les yeux dans les yeux et à huis clos, les leaders africains vont se parler sans avoir besoin de ceux qui sont toujours derrière pour mettre le feu. C'est là que se trouve mon espoir et mon optimisme. Mais il ne faut pas laisser la région des Grands Lacs seule. Il faut que toutes les sociétés civiles africaines, toutes les sociétés politiques africaines, tous les opérateurs économiques africains, tous les partis politiques et les hommes politiques africains accompagnent le mouvement. Accompagnent le mouvement et sachent que après les années-lumière qui ont fait l'Occident, après les grandes métropoles occidentales qui ont fait le monde, le tour de l'Afrique qui n'aurait pas dû se mettre en marge de ce grand mouvement du monde entier est arrivé. Et il faut bien se mettre à l'évidence que les autres ne vont pas nous laisser faire sans eux. Ils vont toujours être tentés de nous tirer vers le bas. C'est un grand challenge, c'est un grand défi, mais l'Afrique est capable parce que l'Afrique c'est l'humanité. Et l'humanité c'est Afrique Média. Merci à vous, ambassadeur François Bikoro. Le décor est donc planté, le message est passé. On retient que le monde c'est l'Afrique et le monde c'est bien sûr Afrique Média. Restez bien sûr sur nos antennes en direct samedi, en direct de la télévision panafricaine ici à Bujumbura. On vous fera vivre ce grand rassemblement de l'Afrique de l'Est qui va peut-être s'étendre aux autres parties de l'Afrique, on l'espère. Mais restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Afrique Média, le monde, c'est nous. Permettre aux éleveurs et aux agriculteurs d'améliorer leur production en qualité et en quantité, et tel est l'objectif des sessions de formation lancées par l'entreprise Liveway ce 8 mai 2023 dans son centre d'entraînement de Bujumbura. Ils étaient donc nombreux venus de tous les secteurs de cette grande industrie pour enrichir leurs connaissances en matière d'élevage et d'agriculture. C'est un discours du PDG, M. Prosper Ndangamira, devant un parterre d'invités de marque, qui lancera finalement ses travaux, qui seront conduits jusqu'à leur terme par le docteur Najmoul Shah, manager de la production d'Interchemi, venu spécialement des Pays-Bas pour l'occasion. Très satisfait par l'assiduité de ses apprenants, le docteur Najmoul n'a pas manqué de les féliciter, tout en rappelant l'objectif recherché par Interchemi, qui avec un réseau de distribution qui couvre un peu plus de 200 pays, est l'un des plus grands dans le monde s'agissant de la santé animale. Car l'entreprise couvre les trois aspects de la santé animale, notamment la médecine vétérinaire, la nutrition animale et la désinfection. Yeah, basically, Interchemi is the biggest pharmaceutical veterinary company in Europe, and we have a collaboration with the Lifeway to have a training session for the livestock farmers of Burundi, and of course with the all technical people. The reasons behind is that we know that the livestock sector is a very poorly managed over here, and we want to transfer some European knowledge to the betterment of the livestock and to look at to the solutions for the challenges you have. So we will train in 5-day training program about how the Interchemi can help the farmers of Burundi to have better production, better milk production, better economy. So as you know, agriculture plays a very important role in the economy of the country, and livestock is the very important sector in the agriculture. Il ne manquera pas aussi de relever le sérieux de Lifeway et la compétence de son équipe dirigeante, qui, faut-il le rappeler, est distributeur exclusif des produits Interchemi au Burundi et en République démocratique du Congo. Well, we have seen him that they are going very well, and they have cattle farms which really have impressed us, because they are keeping 700 cattle farm. It is something like an integrated business. They have a dairy milk production plant, and of course with the pharmaceutical, I think is the best company in the Burundi to deal with all products of chemical, because we have a vast range of medicines, and of course you have to be a good distributor who can manage the whole Burundi. And I hope with this integration, because they will treat their own animals, and what interesting I have found in this way, that if they satisfied with the Interchemi product applying these medicines to their animals, so they will apply to other animals. So it means that they will do the best for their animals. So I think a wonderful have integrations. And the other thing which I have liked about the Lifeway, that the training session, they have a training centers over here. That's a very wonderful, because knowledge is the power, and we have to cascade a modern European knowledge into the African market, so that the African should have a better livestock, better economy, better food security, and of course better happiness. Pour Lifeway, l'objectif est clair: continuer de travailler avec acharnement, ceci afin de consolider les acquis et de s'ouvrir à d'autres horizons, comme l'a expliqué le docteur Manirakiza Deo Gracias, directeur de la pharmacie Nobilis et consultant de Lifeway Company. Nous avons songé à améliorer la production laitière, d'abord en quantité et aussi en qualité. Et c'est pour ce faire que nous avons visé la société Interchemi, qui produit les médicaments de très bonne qualité, pour éviter les produits qui entrent, n'est-ce pas, qui sont piratés, donc qui n'ont pas de valeur sur nos animaux, et aussi qui font, n'est-ce pas, échec à la qualité de notre lait, et ainsi qui infligent une perte en santé humaine, parce que, comme nous disons, One Health, donc c'est-à-dire la santé animale pour la santé humaine. Si vous consommez, n'est-ce pas, des produits de mauvaise qualité, c'est-à-dire que aussi votre santé sera aussi, n'est-ce pas, en défaite, en termes de maladies zoonotiques, c'est-à-dire les maladies transmissibles de l'animal à l'homme, et notamment la brucellose, la tuberculose, et la fièvre Q, et ainsi de suite. Donc, nous avons songé à une société quand même de bonne renommée. C'est une société hollandaise, et dont nous connaissons déjà ses valeurs, et aussi qui a fait ses preuves en Afrique et ailleurs. Pour le ministre Dr Domitien Ndihokubwayo, ancien ministre des Finances de la République du Burundi, en lançant des sessions de formation telles que celle-ci, Lifeway fait partie de ces entreprises qui ont enfin compris où était la clé de la réussite du peuple burundais. Cette vision de son PDG s'inscrit également en droite ligne avec les directives données par le chef de l'État, qui accorde une attention particulière à ce secteur d'activité. Effectivement, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'en organisant des formations du genre à l'endroit des formateurs techniciens vétérinaires, l'IFWAY a bien visé. Pourquoi? Parce que dans le pays, il y avait un manque criant de ces techniciens qui sont bien formés, qui maîtrisent aussi la pratique sur le terrain. C'est vrai, la formation que nous recevons, c'est la plupart des fois une formation, je dirais, théorique. Mais cette fois-ci, les participants auront la chance de voir la pratique. Surtout que tout ce qui sera enseigné ici, ce sera aussi enseigné par... quelqu'un qui est de très expérimenté, qui travaille sur le terrain avec les médicaments qui sont produits dans leur usine, mais qui sont envoyés partout dans le monde. Donc, ils maîtrisent non seulement les animaux en Europe, mais aussi de par le monde, là où ils envoient leurs médicaments, ils ont une expérience très avérée. Pour rappel, LifeWay est un groupe agro-industriel international burundais qui regroupe 5 entreprises, à savoir Green Farm, une ferme d'élevage moderne, Nobilis Pharma, qui est une pharmacie vétérinaire de gros, un centre de formation régionale et de renforcement des capacités des différents acteurs du secteur de l'élevage dénommé Sunway, une unité de transformation des aliments de bétail Fosseco, et enfin Siskai, une laiterie moderne qui excelle dans la production, la collecte, la transformation et la commercialisation des produits laitiers. LifeWay is a group of companies that specializes in the agriculture development. Agriculture sector as one of the key pillars of the economic development of African countries. It provides a lot to the population of Africa, more specifically population of Burundi. It provides food security to the people of Burundi, but also employs the majority of Burundians. Developing agriculture sector will actually contribute a lot to the development of the country. LifeWay specifically focuses on dairy farming as our specialty. We are a group of 5 businesses that are vertically integrated. What that means is they are all interconnected. One of those businesses include Green Farm, which is an operational farm that has between 650 and 700 cows that are producing milk on a daily basis. That Green Farm has been in existence for over 7 years. But as a farmer, the founder of the business, having that farm, he encountered a lot of challenges, and by seeing how farmers, specifically dairy farmers, have challenges with their businesses, that's how he started LifeWay Group. And with that, that's how LifeWay Group was created. And through that, one of the challenges that farmers have is, how do you get good breed of cow? How do you get a good race of the cow that will give you good milk? And so with that, we have created Nobilis Pharma. Nobilis Pharma is one of the businesses of LifeWay that specializes in importing and distributing medical equipments and medicines for animals. In addition to that, they also provide services in reproduction health of the animals, the cows more specifically, because we import embryos and semen that are qualified and that are really good quality that will be able to improve and increase the productivity of dairy cows. The other business that we do in LifeWay is Fosseco, which is food security company. Although you can have good breed of cows, you need to feed them. They need to be well fed in order to produce good production of milk, which is why we had challenges finding good concentrates that will supplement, you know, the napier and the grass that the cows eat. That's why we created Fosseco, which will be focusing on manufacturing and distributing concentrates that are on high standard in order to achieve optimal production of our dairy cows. Again, you can feed them, they can be good race, but their health is very important. That is where Nobilis comes in. Nobilis Pharma is a business that imports and distributes veterinary medicines and reproduction health products, including embryos and semen, from well-reputable companies in Europe. We import them, and we have exclusive right to distribute them in Burundi and across the region as well. Again, when you have a good production, what do you do with that? As one of the key challenges with farmers, how do you get the market for your milk? You've got everything you need, you have a good production. What do you do with the milk? That is where Ciscai comes in. Ciscai is a factory that processes that milk we get from not only from our own farm, but milk across the country. We are collecting milk from each and every farmer in Burundi. Porto Burundi. And we are going to process that milk into dairy products of all kinds that meet international standards. And they will be starting to product to produce that within a month. Again, in order, because we want to improve the agriculture sector, more specifically dairy farming, we don't want to keep the knowledge we have on our own. We have started a training center that will be there to train anyone who wants to learn about farming, anyone who wants to learn how to feed cows in a well-balanced way, anyone who wants to treat cows well and give them good medication and actually in order to improve their health. Anyone who wants to learn how to make cheese or yogurt, we have a training center dedicated for that. And in general, that is Lifeway. Lifeway touches on each corner of modern dairy farming, which is basically including the farm itself, Ciscai, Nobilis, Foseco, and the training center. The training that we give, currently we are planning a training that is free for anyone who wants to get the knowledge, and most of them are subsidized. They could be subsidized by the government, they could be subsidized by Lifeway itself, they could be subsidized by non-for-profit organizations located in Burundi, or it could be an individual who just wants to learn how, if they have passion in the industry, they would like to learn something. It's not free, obviously. There's cost of running that service. There's cost of running the training center. But it's a not-for-profit business. We don't want to make profit out of that. But we just need enough to cover the cost of running the training center, the cost of, you know, paying the travel cost of the trainer who's coming from all over the world and coming here to Burundi, staying for a month, 6 months, 3 months, depending on the program. And just to get enough to cover those costs, that is what we require. And like I said, anyone can subsidize that. Even you can subsidize one or two farmers to come and get trained in Lifeway. Not just Lifeway, I would speak more about Burundi in general, because we are in Burundi. Burundi is open, Burundi is a safe country, Burundi is open for business. We want everyone to know that we are ready to do business. More specifically, Lifeway, we have a lot that we can offer to countries in the region, but also to the worldwide. We have partners across the world. We have partners in the Europe and America and Africa and East Africa even. We have a modern farm that a lot of people can learn from. We have a good system that is there set up to help anyone who wants to actually achieve a maximum productivity in dairy farming. You want medication for your animals, which is good quality, because one of the challenges, again, being a farmer and doing it for over 7 years, I know how difficult it is to get good medicines for the animals. We know how difficult it is to get a good qualified veterinary person who would actually diagnose your animals. We know how difficult it is to find balanced, healthy meals for the animals in order to achieve an optimal production. Again, we know how difficult it is to find the market for your product, your milk. So Lifeway offers that. in one company. When you come to Lifeway, you can get all of that in one area, which is actually kind of unique in Africa. We are, I would say, the only company that can actually offer all that in five in one, or anything that has anything to do with dairy farming, you can find it in Lifeway. So we are ready to do business. We have a very high state of art training center that is set up for that. Anyone who wants to learn, anyone who wants to improve their skills, anyone who wants to see how do you do farming in Africa, how do you do farming in East Africa in a such, you know, would say people who have, you know, doubt or anything, you're welcome to come and see. Welcome to Lifeway and see what we can offer.